to the love, so the way it just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as the youth die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Where's the love? And if you never speak truth, then you never know what love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? Where's the love? What happened to the love? In the fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? Les amis, l'heure est grave. Maintenant, j'ai mon équipe qui commence carrément à faire des chorégraphies sur le générique de l'émission. Je dis non, je ne suis pas du tout d'accord avec le principe. Ça, il faut pas déconner, les gars. Surtout les stagiaires, quoi. Kéké, Alison, on va bien se calmer. Hein, Mais on prévoit déjà le clip, en fait. Non, on n'a rien prévu du tout. Vous arrêtez votre connerie. Et c'est cool d'avoir remis la flûte à bec à la mode. La flûte à bec. C'est super tendance, monsieur, ça va? Tout le monde va bien dans l'équipe, Fab? Ouais, ça va. Ouais, eh bien, je trouve que ce pyjama te sied. Eh ben, écoute, je te remercie. C'est-à-dire que Fab a tenté le mix, en fait, du look de Bobo de Hucle, c'est-à-dire le pantalon rouge, sauf qu'il s'est trompé de t-shirt et qu'il a mis son t-shirt de pyjama. Alors, Fab avait chaud et Fab a besoin d'un truc aéré et large. Tu m'étonnes, il fait une chaleur aujourd'hui, c'est insupportable, sérieux. Bon courage à tous ceux en plus qui sont peut-être au bureau. Et le pire, c'est que j'ai un pote, moi, il bosse dans les bureaux, vous savez, mansardés, là. Genre, sans paix à ton âme. Bon courage à toi. Oui, Carlo, des infos, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Carlo. Je voulais juste dire que les bobos, c'est pas Hucle, hein. C'est juste les beaux. Oui, d'accord. Les bobos, c'est plutôt à Saint-Gilles. Excusez-moi, je suis nouvelle bruxelloise. Je découvre la situation financière des habitants bruxellois. Sandro va bien? Mais ça va, ça va. Il fait chaud, hein, comme tu m'étonnes. Et comme dirait bien Patrick, il fait chaud. Est-ce qu'on n'avait pas un accord tous ensemble? Vous aviez pas promis qu'on arrêtait Patrick Sébastien et ses conneries de sardines? Laisse-moi réfléchir. Bah non, en fait. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Bon, il y aura plein de trucs dans cette émission. Il y aura du Patrick Sébastien. Non, ouais, même pas. Il y aura du cadeau aussi. Il y aura de la déconne. Il y aura des canulars. Et puis surtout, avant ça, il y aura les infos. Et c'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Vous n'avez sans doute pas oublié le scandale Volkswagen et ses techniques pour réduire frauduleusement les émissions polluantes. Eh bien, en croire une enquête menée en France et dont les résultats sont évoqués dans le journal Le Standard. La firme allemande est en quelque sorte victime d'une injustice, en ce sens que tous les constructeurs automobiles seront des tricheurs et qu'il n'y a donc aucune raison de se focaliser sur VW. Cette triche, elle concerne en fait la consommation, une consommation de carburant qui serait en moyenne 45% supérieure à ce qui est annoncé par les constructeurs. Ça veut dire que les acheteurs se font entuber, mais ça veut dire aussi que les émissions de CO2 sont nettement plus importantes que prévu. Et en plus, l'écart entre la consommation sur papier et la consommation réelle n'arrête pas de se creuser. Dans ce domaine, le champion s'appelle Renault, suivi par Toyota et Ford. La technologie pour diminuer les émissions polluantes existe pourtant, explique un expert, mais la fraude revient moins cher aux fabricants. Ah oui, elle n'a décidément pas gagné la lutte contre le réchauffement climatique. Chez nous, le SPF Économie est en train d'élaborer une brochure destinée aux commerçants qui vendent des produits susceptibles d'être utilisés par des terroristes, genre acétone ou acide sulfurique. Et l'objectif est que les commerçants puissent dénoncer ces individus. Notez qu'après ce que je viens de dire à propos de la fraude sur la consommation des voitures, on pourrait dénoncer les concessionnaires qui contribuent à polluer la planète, parce que là, on peut parler de terrorisme écologique. Et on pourrait en revenir à nos djihadistes. Les magasins de bricolage, de peinture et les pharmacies ont déjà reçu de premières indications sur la façon de réagir au cas où un particulier achète de grosses quantités d'un produit dangereux, surtout si le client en question ne fournit pas d'explication logique sur la quantité en question, ou alors paye de grosses sommes en liquide, ou a l'air particulièrement nerveux. Notez qu'aujourd'hui et demain, si les gars en question ont su à grosses gouttes, c'est pas forcément parce qu'il est nerveux. Hein. La chaleur peut avoir un rôle à jouer. Enfin, football, c'est ce soir que débute la nouvelle saison de Ligue des Champions sans Manchester United, Chelsea et l'AC Milan, les trois plus grosses pointures absentes de cette édition. Mais avec deux petits nouveaux, Leicester, le champion d'Angleterre que le club brugeois affronte demain, et le FC Rostov qui a laissé récemment un mauvais souvenir à Anderlecht. Parmi les rencontres de la soirée, nous avons Manchester City, Borussia Mönchengladbach. L'occasion de vérifier que Kevin De Bruyne est à nouveau en grande forme, maintenant que l'Euro 2016 est derrière nous. Le PSG avec Thomas Meunier accueille Arsenal, Naples avec Dries Mertens seront au Dynamo Kiev. Nous allons également Bayern Rostov, Barcelone Celtic, Benfica Besiktas, PSV Atletico aussi. Par contre, je n'évoquerai pas Bâle Ludogorets parce que là, j'ai plus trop le temps. Fun. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. On fait des gros bisous à Issam de Liège qui est à l'écoute, Patrizio de Charleroi, il y a Julia, Mike, Killy aussi qui sont là. Merci les copains d'écouter la Power, ça fait plaisir, il va y avoir de la déconne, hein. Restez bien là. Et dites-moi, tiens, il fait combien de degrés chez vous? 30-44 pour vos messages. Et puis celui qui s'y connaît quand même le mieux en météo ici, c'est Carlo. Alors Carlo, le programme pour demain, ça donne quoi? C'est à peu près pareil qu'aujourd'hui, sauf que ce sera... Demain. Et voilà. Alors, on se retrouve dans une autre. Ensuite, je vous laisse avec Audrey. Et alors, je sais pas trop si c'est Mom ou Patrick Sébastien. Mais Mom, en tout cas, il y aura de la musique. Ouais, Mom, voilà. Mom. Fun. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. So lover, since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. sun's rays. What's left to do but to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Mike là qui nous écoute en direct de son tracteur et bim, on est premier sur les fermes dans Fun Radio. Et voilà, 36 degrés quand même à bord de son tracteur. Courage Mike. La suite du son, c'est avec Eva Simons que ça se passe et Sinead Samson. Il y aura aussi du Mr. Probs juste après. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Non, en fait, il pensait savoir chanter. On va vous montrer que non. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde qui pense savoir chanter. Et pourtant, et bah, c'est pas toujours le cas. Et notre Fab, il a un détecteur à mauvais chanteurs. Bah tu vois, moi je sais pas chanter, mais je sais que je sais pas chanter. Mais il y a des gens qui savent pas chanter et qui le savent c'est pas. C'est ça le problème, hein. Et du coup, t'as déjà trouvé un petit spécialiste. Là, j'ai une perle. Le gars s'appelle Michael Joly. Alors, c'est un, moi, je suis mignon. C'est un jeune homme jovial, drôle. Il fait partie des scouts catholiques de sa région. Oh, il est plein d'entrain et d'énergie. Il adore les jours fériés. Il adore les petits papillons. Il court tout nu dans les champs de coquelicots derrière les petits papillons. Et il nous chante ici son amour et sa passion pour les jours fériés. Non, mais c'est un truc sérieux. Le gars, il chante vraiment genre. Il y a un clip et tout. Il y a un clip. Je l'ai vu. Fais balancer le son de comment il s'appelle. Michael Joly. Michael Joly en exclusivité pour vous aujourd'hui sur Fun Radio, c'est maintenant. Nous sommes sur les routes encore aujourd'hui. Non. C'est beau ça. Tour, c'est reparti. Allez. En attendant, vivons la vie. Ah bah oui. Vivons la vie. Chantons ensemble cette mélodie. Il y a un refrain, j'ai peur. Ah oui, c'est le meilleur. C'est bon pour le moral. Attends, je te plante le décor. On est sur une aire d'autoroute. Il y a du soleil, il fait beau. Ça, c'est dans le clip. On est tout nus et on court dans le champ. Non, ça, c'est notre Imeka, nous. Non, il n'y aura pas d'histoire sur cette chanson. Attends, c'est une vanne et tu la connais par cœur en plus. Mais il y a trois paroles. Fab, tu commences vraiment à m'inquiéter. Sandro, tu peux me remettre le refrain juste pour voir quand. On va le chanter tous ensemble sur Fun Radio. C'est parti. Allez. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Fun Radio. Le son danse fleur. Ça va pas être possible. Hein. Rappelle-moi son prénom à ce monsieur. C'est Michael Joly. Par contre, je pense que bon, il a encore la voix qu'il a, mais je crois que dès qu'il aura son premier rapport sexuel, sa voix va changer. Mais c'est pas que ça, là, c'est pas tant la voix le problème, mais c'est quoi ça? Non, c'est pas possible, quoi, ça. Moi, j'adore quand il dit chantons ensemble cette mélodie. On va rien chanter du tout. Vous pensez quoi, vous, de la chanson de Kevin Joly? Moi, j'ai mon avis dessus, je vous le dirai après. Hein. 3044 pour vos messages. Je vais tous les lire après. Ah, ça, c'est de la musique. Ah, ouais, merci. On se sent mieux d'un coup. Hein. Heureusement, Fun Radio, le son dance floor, c'est pas le son des coquelicots et des petits papillons. On va pas déconner comme ça. Hein. Allez, 3044, j'attends vos petits messages. Montrez-nous que vous êtes à l'écoute de l'émission quand même. Il y aura le son de Mr. Probs dans un instant. Et juste avant, c'est parti, c'est Eva Simons et Sydney Samson qui débarquent sur Fun Radio. Bon après-midi tout le monde. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Love. from love. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. She's okay and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind she sees the day whenever she's nearby. It's like nothing really. She reads me right and wrong home. It's so clear she saw that I need all I need. Yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels. Every time I see her. C'est votre épreuve avec nous, la sur Fun Radio. La suite, c'est avec Jonas Blue. Ça se passe Perfect Stronger. Il y aura aussi le tout nouveau Craig David avec Sigala. Avant ça, on va quand même revenir deux secondes sur Kevin Jolie ici. Quand tu les auras entendus chanter, tu maudiras la nature de t'avoir donné des oreilles et des tympans. J'aurais voulu être un artiste sur Fun Radio. Ah, tu m'étonnes, là, j'ai déjà plus de tympans. Là. Fab nous a fait c'est découvrir dingue, un nouvel artiste. Ouais, Michael Jolie. Qui vient de France. Il vient de France. Et ça, c'est un ch'ti, hein. C'est ça, pas possible coup sûr, autrement. Coup sûr. Alors, on le répétera jamais assez. Si la fille a le même nom de famille que vous, vous pouvez pas faire d'enfant avec elle. J'ai négocié avec le gars de la programmation musicale ici à la radio. Et ouais. C'est bon, dès demain, on le joue sur Fun. Ah, bah, oh, génial. Alors, j'ai un message pour toi. Arrête de prendre des initiatives. Franchement, ça m'ira bien, quoi. Mais c'est pour ceux qui plaisir. Viennent de se brancher sur Fun Radio, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous ne l'avez pas entendu, Kevin Jolie, mais Kevin Jolie, c'est ça. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Tous ensemble. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, ouais. Allez, c'est bon ainsi. On a Isa qui vient de Framery qui est là. Salut Isa, comment ça va bien? C'est bon pour le moral. Non, non, s'il te plaît. La petite fille qui vient de chanter, oh là là c'est là moi là. Qui te l'a envoyé. C'est bon pour elle le craque. Moral. Alors, je j'espère que cette chanson n'a pas fait le même effet sur tous les auditeurs qui écoutent Fun Radio. Je m'excuse d'avance. Isa, c'est le soleil qui fait ça ou qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que c'est moi, naturellement. Oh bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Après, la mélodie, ça reste dans la tête. Hein. Ouais, je suis sûre. On vient de ruiner l'après-midi de tous les auditeurs tout qui écoutent la PO. Allez, c'est reparti. C'est cadeau. C'est bon pour le moral. Allez, Isa. C'est bon pour le moral. Non, heureux, tout va. On dirait quand même une chanson non. pour enfants, tu Attends, vois. Attends, parce que ce que j'adore, c'est que Isa, elle remet des paroles à elle dessus. Rien à foutre, elle se fait un kiff. On a le premier remix là, c'est bon. Bon, Isa, qu'est-ce que tu vas faire de ta soirée? C'est quoi le programme aujourd'hui? Oh, ben là, ça va être tout tranquille. Hein, Je vais chanter. Déjà, faire le devoir, tout tranquille. Ouais. Un petit souper. Ouais. Et profiter un petit peu de la terrasse, tout simplement. Eh ben, c'est un super chouette programme, Isa. Je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux dans la pioire. Ouais, ok, pas de bisous, problème, bisous. Chez nous. Salut Isa, il y a un auditeur qui me dit fait chaud, mais un bon barbecue et une bonne bière, et bah c'est pas mal. Oui. Bon, dites-moi, vous, c'est quoi votre programme de l'autre côté de la radio? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je suis sûr que tout le monde est en mode barbecue aujourd'hui, hein. Il y a pas beaucoup de suspense. Merguez, hein. Bah, tu m'étonnes, et la saucisse aussi, 30-44 pour vos messages. On les lit juste après Jonas Blue, maintenant qui débarque sur Fun Radio. Il y aura aussi du Craig David, c'est le nouveau, hein, avec Sigala, c'est bon ça. C'est ce que je vous cale dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. Bougez pas. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Idiote qui fait tomber sa bouffe pas plus tard qu'il y a 2 minutes. On a reçu le thermos individuel. Il a mis son truc de ricoré dedans et puis il a secoué dans le studio et le truc n'était pas fermé. Voilà. Il y en a, au large. Idiote. C'est pas possible. Il vient de reboire son truc de ricoré et vient tout cracher sur le clavier de l'ordinateur. Je me suis ébouillanté. Et c'est pour ça que tu parles comme ça, parce que t'es ébouillanté. Ça se trouve, Mika, le chanteur, c'est juste un mec ébouillanté. Relax. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Bon, c'est bien dommage. Mais alors, en compensation, une blague idiote. Attention, quel est le métier préféré des taupes? Taupe modèle. Ça ne vaut pas le jackpot. Hein. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là, oui. Merci, loto. Au soleil ou à la neige? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Inédit du lundi au vendredi à 20h35 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Bienvenue dans Touche pas à mon... Avec Cyril Hanouna aux commandes, plus en forme que jamais. Comment ça tombe bien? Attention, je peux être un tigre. Oh là là, boulou, va. Ouais. Chronique, jeux, défis et délire en tout genre. Et quoi d'autre? Vous le saurez en regardant Touche pas à mon poste du lundi au vendredi à 20h35. Plug RTL. This is fun. Fun Radio. Play song dance floor. Touch on your skin. Talk, talk. All I wanted was...

and giving up on you, and giving up on you, and giving up on you, and giving up on you. C'était le tout nouveau Craig David sur Fun Radio. La suite, bah c'est avec Calvin Harris. Calvin Harris, ça, ouais. Eh bah non, Calvin Harris, c'est mieux, hein, avec Rihanna. Il y aura aussi Sac Noël avec Sean Paul et puis du Justin Timberlake. Et on a François qui est là, qui vient de Marche en Famenne. Salut François, ça va bien? Salut Audrey, ça va et toi? Ah bah nickel, je vous ai demandé de me dire ce que vous faisiez ce soir. C'était quoi le programme? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, François, aujourd'hui? Ah ben écoute, nous on est en train de préparer les semis de colza, donc voilà, beaucoup de travail pour le moment. De quoi? Des quoi? Des trucs de colza? Des semis, ouais. T'es agriculteur? Donc ouais, je suis agriculteur, ouais. Encore un gars en tracteur? D'accord, ça explique les semis de colza. Eh, on fait des gros bisous à tous les agriculteurs qui écoutent Fun Radio, tu sais qu'il y en a blindé, hein. C'est un truc de fou ça, hein. On nous aime bien dans les fermes. Ouais, ouais, on est nombreux. Numéro 1 sur les vaches, hein. Non, mais je savais pas que, tu vois, genre les fermiers, ils kiffaient Fun Radio, quoi. Je sais pas. Bah, si. Si, ouais, bah, visiblement. Bah, pourquoi tu crois qu'ils nous aimeraient pas? Bah, je sais pas, j'en sais rien, moi. Tu sais, on capte un Fun Radio sur les tracteurs. En pleine campagne. Alors, peut-être dans les tunnels bruxellois, on ne capte pas. Non, mais alors, sur les tracteurs, on capte. Le paradoxe, c'est que quand même, parfois, on est en panne sur des tronçons d'autoroute, genre Vernivelles, c'est cata. À chaque fois, c'est un peu galère. Mais alors, par contre, en plein milieu de la campagne, en plein milieu de la prairie, là, c'est nickel, les gars. Là, on nous capte. Je pense qu'on devrait demander aux instituts de sondage d'aller sonder les vaches. Oui, parfait. On sera peut-être premier numéro 1 sur les marguerites. Yes. Ouais, voilà, et ça c'est beau. Bon, hey, François, donc du coup aujourd'hui boulot ce soir pour toi. Ouais, ouais, boulot, boulot. Oh là là. De la semaine jusqu'à temps qu'il pleuve. Eh ben dis donc. Ben, eh ben ouais. François, ça c'est on du. On rattrapera du week-end. Hein. Eh, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? T'as déjà un plan ou tu sais pas encore? Oh ben ouais. Du lait normalement. Vu qu'il annonce de la pluie, je pense qu'on va un peu se détendre. Hein. On va aller boire des bières. Ah, t'as raison. Je te reconnais bien là, mon François. Bah, t'as bien raison, t'en boiras une, ben ouais, une bonne fraîche de pour nous, d'accord? Ouais, mais pas trop, parce qu'il faudrait pas que tu confondes madame et la vache. Hein. Bah, dis pas... Ça serait drôle. Attends, François, on est entre nous ici, oui, dans la Power. Tu sais, y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Hein, On est deux, trois. T'as déjà fait un on est deux, trois. Je voudrais savoir si un jour ça t'a traversé l'esprit. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, Marguerite, tes taches sont tellement belles. Hey, tes yeux ici. Me rendent fou. Je vais t'en faire fou. Une autre de taches. Est-ce que tu as déjà envisagé le fait de te taper une vache? Non, non, non, quand même pas. J'adore mon métier, j'adore m'occuper de mes vaches, mais de là, non, quand même pas. Sur un malentendu. tu sais parfois, François, comment on appelle ça, les gars dans la montagne là, oui, qui partent longtemps. Les montagnards. Eh bien, on m'a expliqué une histoire qu'à l'époque, il paraît que les montagnards. Eh ben, avec les chèvres. Eh ben oui, se taper leur chèvre. C'est vrai, mais une chèvre, c'est proche d'une femme, hein. T'as les poils, l'odeur. Oh, c'est dégueulasse. Non, non. Oh mon Dieu, ça c'est dit. François, c'est dégoûtant. Bon courage. Moi, tu m'étonnes, je te présente Fab. C'est son descriptif lui-même. Bon, Eh ben, en tout cas, bon courage à toi, mon François. Tu restes bien branché sur Fun Radio, d'accord? Bisous François, et on fait des bisous aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent. On dit, moi je suis aussi agriculteur, je suis actuellement en train de vous écouter dans le tracteur. Et ben gros bisous à toi et bon courage à tous ceux qui bossent. On pense fort, très très fort à vous. On aura du cadeau d'ailleurs dans quelques petites minutes. Avant ça, on se fait le son de Calvin Harris et Rihanna, et puis juste après, on va sortir les trompettes. Voilà, Sac Noël et Sean Paul, et c'est ce que je vous cale pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. Merci de nous écouter. Moi c'est Audrey, il y a Fab, il y a Sandro. Présent. C'est hey la POR quoi, jusqu'à 20h, bougez pas. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Ah, la nature. Les petits oiseaux. Qui le grand air. Et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison, pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, l'horizon c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va? On s'en va. Eh oui,

Dance Floor, c'est avec Sac Noël featuring Sean Paul que ça se passe. Il y a aussi du Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Et alors là, je peux vous dire que j'ai reçu le pire message que j'ai pu recevoir dans une émission de radio de toute ma life. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on a eu un agriculteur qui était en direct, qui nous écoutait. Et du coup, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si un jour dans sa life, il avait envisagé de se taper une vache. Bon, la question, j'avoue, était déjà bizarre. Et là, tout d'un coup, je reçois un message au 3044 de Julie qui m'explique une histoire, mais que j'aurais même pas pu inventer dans ma tête. Julie, ça me fait peur. Bonjour, bienvenue sur Fun Radio. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Très bien, je suis dans les bouchons, c'est fantastique. Ah, bah dis donc, bon courage, et c'est où les bouchons? Bruxelles. Ah bah comme d'hab. Il y en a partout. D'hab. Bruxelles, c'est une merde pour ça, franchement. Bon courage à tous les gens qui sont sur la route à Bruxelles. Bon, Julie, est-ce que tu peux répéter à l'antenne ce que tu m'as envoyé par SMS au 3044, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Il y a 2 ans à peu près, donc étant commercial dans un secteur particulier, je vais dire l'automobile en général. Oui, d'accord. Voilà, okay. Bon, on démarche les garages, les agriculteurs et tout. Et donc souvent, les fermiers, eh bien, on va les rechercher dans leurs étables, en prairie, n'importe où, les commerciaux connaissent ça. Et un jour, je suis arrivée chez un client, je suis allée dans les étables, je sonnais à la porte, personne, je suis allée dans les étables. Et là, je suis tombée dessus qui était en train de se faire faire une petite gâterie par un veau. Ah, ah mais ça me rassure Julie, je suis pas le seul. Oh non. Oh non quoi. Mais attends, c'est une question mécanique, hein. Je me permets, je ne suis pas une grande connaisseuse en la matière, oui. Mais comment est-ce qu'un veau peut te faire une gâterie? T'as vu la taille de mais sa langue? Mais après je me suis renseignée. Ah ça, tu lui as demandé conseil? Tête d'office. On lui met les doigts dans la gueule, dans la bouche. Et dans ce il a l'instinct de fusion. Oh non. Ah. Oh non, Julie, ça me dégoûte. Comment on peut faire ça à un petit veau innocent qui n'a rien demandé? Mais c'est débectant, sérieusement, c'est dégueulasse. Et tu sais quoi, blague à part, moi, je vous raconte ça comme ça, mais j'ai un ami qui m'a déjà expliqué. Ouais. Un jour, il est tombé en fait par hasard sur un de ses potes qui était en train de se faire faire une gâterie aussi par le chien. Il avait mis du Nutella dessus. C'est dégueulasse, on donne pas du sucre au chien. Déjà, c'est dégueulasse, chocolat. Deux choses. Le chocolat c'est interdit pour les chiens, mais en plus de ça, une gâterie par son toutou, ça c'est dégueulasse, c'est interdit par la loi, faut ça pas doit, déconner. Hein. Ça doit être dans la famille de Fab tout ça. Mon Dieu, toutes ces choses que je dois essayer encore. Scandaleux. Julie, merci, tu as égayé notre après-midi grâce. Et maintenant tout le monde sait comment ça fonctionne la succion avec le veau, hein, si oui. Jamais. Les deux petits doigts et puis hop, c'est parti. Voilà. Ne faites pas ça évidemment, enfin, il faut les épargner, les petits veaux, ils ont rien demandé. Julie, je te fais des gros bisous, ne reviens plus, hein, d'accord? Faut pas déconner. Hein. Courage dans les bouchons, on va faire un point d'ailleurs avec Mister Jacobus, on va voir comment ça se passe si vous avez des infos sur le trafic. Eh ben n'hésitez pas, vous nous les envoyez, hein, 3044 pour vos messages. Et puis comme ça, bon, on prévient tout le monde, le son de Justin Timberlake, c'est ce qui arrive. Mais avant ça, on fait la place à Sean Paul sur Fun Radio. Ground seismic activity. Spin round me girl and gimme the top wine girl and gimme the body look fine girl, gimme the coming out waste some time girl, gimme the body look good girl, you ever be winning it. Turn it up right girl, you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body come in love or you're spinning it. Rotate your body come in love or you're spinning it. Rotate your body come in love or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Calling two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take me take up a permanent residence. Trumpets blow. Se passe bien, la courage à tous ceux qui bossent, il fait super méga chaud, on fait des gros bisous à Isa. La suite, côté son Dancefloor, c'est Justin Timberlake. Et puis il y aura quoi? Donc qu'est-ce que je vais vous mettre moi? Maître Gims, Ma Beauté, ça vous va? Tout le monde valide? Ma Beauté! Parfait. Je vote. Il y a aussi de Drill et puis Zao, le nouveau là avec MHD, c'est ce qui arrive après l'infotrafic. L'infotrafic dans la Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Il y a Julie qui est passée à l'antenne il y a quelques minutes qui nous a dit que c'était le gros bordel à Bruxelles, Mister Jacobus. Ah, oui, je confirme. D'abord, bonjour, Skatobolke. Tu dis pas bonjour. Comment vous m'avez appelé? Skatobolke. Qu'est-ce que c'est? C'est mignon. Petite boule. Ça me fait penser un peu à toi. Alors, oui, Julie, elle a raison. Pour le veau, c'est un animal fantastique. Et dès que tu mets un truc, il suce et dans une assiette, c'est toujours très bon. Et elle a raison. Hein, tout le tunnel de Bruxelles, c'est bloqué. Hein. Tu vas dans Porte de Namur, direction Basilique, tu roules à 10 km/h. Tu vas à Basilique dans l'autre sens, tu roules à 10 km/h. C'est le bordel. Ça, je vais même pas vous expliquer tout comment. Par contre, je vois ici le E411. Tu es sur l'autoroute, tu te demandes pourquoi ça ralentit. Hein, Bruxelles, direction Namur, Luxembourg. Eh bien, moi, je vais te dire. Parce qu'il y a un camion en panne qui bloque encore tout. Oui, un camion en panne sur l'autoroute, pour que tu comprennes, c'est comme si tu prends l'escalator avec Audrey et que Audrey, elle est bloquée en plein milieu. Tu ne sais pas passer. Ah, là, tu peux au-dessus, en dessous, mais sur le côté, tu trop juste. Hein. La personne est dans la pièce. Hein. Oui, oui, je sais. Laisse-moi continuer. Alors, je vois ici le E42 Liège. Parce que Lyon, c'est en France. Hein. Oui, ça fait un peu loin. Hein. La vitesse moyenne est de 30 km/h. Alors, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, oui, ils sont bloqués sur le 42. Je sais, vous êtes triste de rouler doucement. Mais dites-vous que si vous étiez sur le N91 Namur, direction de Hammermill, là, la vitesse moyenne, elle est à 10 km/h. Ah. Alors, dis-toi que tu as de la chance. Et voilà. C'est où Hammermill? Je sais pas, mais c'est dans mon computer, c'est que d'accord. Ça existe. Hein. Et voici, il y a des gens qui sont à Hammermill. Faites-moi signe au 3044. J'ai l'impression que Mister Jacobus, parfois il invente des villes, des trucs qui n'existent pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire où c'est, s'il vous plaît? Parce que niveau géographie dans l'équipe, on n'est pas vraiment au point. Hein. On va enchaîner avec le son de Justin Timberlake. Et puis si vous avez envie de repartir avec du cadeau, eh ben, restez bien là. On va se faire l'horoscope et juste après, je vous explique comment repartir avec du cadeau sur Fun Radio. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Salut, c'est Tiesto. Salut, c'est Willy William. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Hey guys, this is Dimitri Vegas, I'm like Mike. Toutes vos stars préférées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée. C'est Before Party Fun sur Fun Radio. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir.

magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Enfin non, c'est plus le nouveau maintenant, il y en a un autre. Ah bah ouais. Tout donné. Ah bah oui, ma beauté, c'est ce qui arrive dans quelques minutes, ça sera juste après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on se demandait où c'était, c'est quoi la ville là, Mister Jacobus, qu'il y avait Amil. Amil, voilà, mais en fait c'est alors il y a Auria qui nous dit c'est pas loin de Wavre ou Jodogne, c'est près de chez moi. Bon, on te fait des gros bisous Auria, merci beaucoup pour l'info. On va se replonger en enfance maintenant dans l'émission. On va vous dire pourquoi au final c'était mieux quand on était petit, les béliers. Quand vous étiez petit, les gens trouvaient votre âge de rousseur mignonne. Aujourd'hui, vous êtes juste roux et les gens vous évitent en été. Méchant. Les taureaux. Petit, vous pouviez vous habiller comme vous vouliez, c'était pas grave. Aujourd'hui, quand on voit votre look, les gens vous donnent des pièces dans la rue. Les Gémeaux. Maman, j'ai fait pipi dans mon lit. Prononcer cette phrase quand on est enfant, c'est pas grave. Par contre, maintenant, faudrait peut-être penser à trouver une solution. Vous savez qu'un jour, j'ai un ex, il a pissé dans le lit. T'étais dedans, oui, j'étais dedans. Je me suis réveillée, j'ai juste senti que c'était tout chaud. Je vous jure, c'est une vraie histoire. Il a pissé chaud, dans le sympa. Lit parce qu'il était bourré et il s'est pas rendu compte. C'était scandaleux. Les cancers. Quand on est petit, qu'on devient grand, il y a plein de choses qui changent. Sauf pour Mimimati, il y a pas grand chose qui a changé. Enfin, les lions. Souvent, vous déguisiez quand vous étiez enfant avec les vêtements de maman. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand vous le faites, les gens ils regardent bizarrement. Vierge. Petit, quand il te manque quelques dents dans la bouche, c'est trop mignon parce que la souris, eh ben, elle va bientôt venir. Aujourd'hui, si t'as plus de dents en bouche, c'est parce que t'es un clodo. Non. Les balances. Enfant, vous avez souvent joué docteur avec votre cousine. Adulte, vous n'avez pas arrêté. Résultat, vos enfants ressemblent à Ribéry. Scorpion. Quand vous étiez enfant, votre plus grand plaisir, c'était de regarder des dessins animés dans votre pyjama Mickey en mangeant des chocs à pic. Aujourd'hui, bien. Rien n'a changé. On dit merci qui ? Merci le chômage. Sagittaire. Enfant, quand maman venait vous prendre la température, c'était pas sous le bras qu'on le mettait le thermomètre. Aujourd'hui, rien n'a changé non plus, sauf la taille du thermomètre peut-être. Oh. Enfant, Capricorne. Enfant, on pouvait regarder sous les jupes des filles. Aujourd'hui aussi, mais il faut un bon avocat. Les Verseaux. Vous regrettez la période où vous pouviez sucer votre pouce tranquillement. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Je vois que vous avez trouvé de quoi remplacer le pouce. Et on termine. Moi perso, je peux rien remplacer. J'ai que dalle au milieu. Tu peux aller vérifier. On termine avec les poissons. Petit, pour avoir un cadeau. Vous étiez super gentil avec papy et mamie. Aujourd'hui aussi, mais c'est pour avoir un héritage, une maison, de l'argent. Ah, tu m'étonnes, c'est intéressé tout ça. Bon, justement, en parlant d'héritage, de cadeaux, tout ça, nous aussi, on va vous gâter sur Fun Radio. Vous voulez essayer de choper du cadeau, allez-y, vous inscrivez, vous envoyez Happy par SMS au 6322. On se fait ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il est 18h, avant de se faire le son de Maître Grim, c'est l'heure de s'informer maintenant et c'est avec Carlo que ça se passe. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut. C'est en général la météo, c'est après le flash, hein, mais il lui arrive de faire l'actu à part entière, notamment lorsqu'elle bat des records. Ainsi en croit l'IRM, c'est la première fois qu'il fait au moins 30 degrés aussi tard dans l'année, un record qui sera battu pas plus tard que demain d'ailleurs. Avant le retour d'un temps un petit peu plus conforme à ce qu'on attend d'un mois de septembre. Ces températures couplées à l'accumulation des polluants est à l'origine de concentrations élevées d'ozone jusqu'à demain. Et à propos d'accumulation de polluants, je vous répète l'info que je donnais à 17h, à savoir que tous les constructeurs automobiles seraient des tricheurs. D'après une étude menée à Toulouse, la consommation réelle de carburant est en moyenne de 45% supérieure à ce qui est annoncé. Et cet écart n'arrête pas de se creuser. Je parle donc de tricherie, mais compte tenu des enjeux climatiques que vous savez, on pourrait quasiment parler d'un crime. En 5 petites années, Bruxelles a vu partir près de 7000 sociétés. Et en comptant les indépendants, ce nombre passe à 13 765 entreprises, ou indépendants donc, qui ont quitté la capitale pour aller s'installer pas bien loin en général, à savoir dans le Brabant, wallon ou flamand. La commune la plus attractive, c'est Waterloo, suivie d'Anvers, une ville pas spécialement dans le Sonne, il est vrai. Et ce qui explique cet exil, c'est d'abord les problèmes de mobilité. Bruxelles, c'est la plaie par excellence. Les limites de l'espace foncier également. C'est-à-dire, il ne faut quand même pas oublier que c'est de nombreuses entreprises ont quitté Bruxelles. Il y en a qui s'y sont installées aussi, un petit peu plus de 10 000 depuis 2011, toujours en comptant les indépendances, ce qui ne suffit pas à compenser les départs. On a un solde négatif de 3 624, ce qui est quand même beaucoup. Et puisque je parlais de mobilité à Bruxelles, j'en profite pour rappeler aux plus distraits d'entre vous que la journée sans voiture, c'est ce dimanche. Les 160 km² de la région capitale seront interdits à la circulation entre 9h30 et 19h, à l'exception des quelques 20 000 conducteurs qui bénéficieront d'une dérogation. Les autres pourront profiter des transports en commun gratos, ou alors faire du vélo ou de la marche à pied. Le temps devrait bien s'y prêter, vu qu'il devrait faire quelque chose comme une vingtaine de degrés. J'ai commencé par la météo, qui pourrait me permettre de boucler la boucle, mais avant de la boucler, je vais quand même vous signaler qu'aux Jeux Paralympiques de Rio, nos pongistes font décidément des merveilles. Les pongistes, ce sont ceux qui pratiquent le tennis de table. Après la médaille d'or du tout jeune Lorenz De Vos, 16 ans, c'est Florian Van Acker qui a permis à la Belgique de remporter un deuxième titre. Notez que de la part du numéro 1 mondial, on ne parlera pas tout à fait de surprise. Florian Van Acker qui s'est imposé en classe 11, ce qui correspond à un handicap intellectuel. Enfin, le troisième titre olympique n'a pas tardé. Il a été remporté par Peter Gennein en athlétisme lors du 100 mètres en fauteuil roulant. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Il y aura du son dance floor dans quelques minutes sur Fun Radio avec Maître Gims, The Dre, le nouveau Zao aussi, featuring MHD. Tout ça, ça arrive juste après la météo. Carlo, est-ce qu'il va faire beau? Écoute, j'en ai parlé pendant tout le flash. On fait un suspense, quoi, tu vois. Alors, quand il va faire mauvais, tu sais quand ça revient, la pluie ou pas? La pluie, peut-être la semaine prochaine. Et puis peut-être que pas. Profitez bien du soleil, en tout cas, toute cette semaine. Ouais, d'ailleurs, les copains, si vous êtes à l'écoute de l'émission, que vous voulez repartir avec du cadeau, allez-y, vous inscrivez par SMS, vous envoyez à Pi par SMS au 6322. Tu voulais dire quoi, mon cadeau? Je vais annoncer Maître Gims quand même. Vas-y, c'est parti. Maître Gims. Ouais. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, la Golf All-Star super équipée est à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues. devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Et c'est la Pio sur Fun Radio, on est en direct 18h07, on reste avec vous jusqu'à 20h et c'est comme ça pendant toute la semaine, hein. Du lundi au vendredi, il y aura le son de Zao avec MHD dans quelques minutes, mais d'abord, il y aura du cadeau. L'Happy Game, le jeu où tu peux gagner un cadeau, voire deux, voire rien du tout. À toi de faire le bon choix. Et toute cette semaine, en plus de vous envoyer voir David Guetta carrément, eh ben on vous file une pizza party. Oh yeah. C'est nickel en plus parce que regarde, tu gagnes les places pour aller voir David Guetta et juste avant, tu te fais une petite soirée pizza. Voilà, ah, cool, avant d'aller au concert, voilà, avec Pizza Hut, on vous file presque 50 euros pratiquement de pizza à chaque fois, chaque jour dans cette émission. 50 euros. Ça fait beaucoup de pizza. On testerait pas les noms déjà pour voir si c'est bien. Et tu peux te faire un kiff, t'imagines, tu peux remplir ton appart de pizza et les manger une à une toute la soirée. Et après, tout nu, malade comme un chien. Bon, on a Morgane qui vient de Bruxelles qui va essayer de choper ses pizzas. Ça va, Morgane? Ça va et vous? Ah, bah écoute bien, Morgane, t'es une fan de pizza? Ça va, oui. Ouais, les pizzas en plus de chez Pizza Hut, comment dire? C'est, alors je sais les Italiens, alors je vais recevoir des messages d'insultes au 3044, mais quand même, fout. Les pizzas du Pizza Hut, c'est deux choses différentes quand même. Ah, la vraie pizza l'italien. Italienne et c'est là, mais elle est bonne quand même, c'est le Pizza Hut parce qu'elle est bien grosse, elle est épaisse, puis ils ont du fromage la croûte. Dans la croûte. Oh, oui. Oh, t'aimes bien les croûtes, toi, Audrey, hein, ça, je l'avais vu. Ouais, mais pas, ça dépend où elle se situe quand même. Hein. Bon, Morgane, t'as joué pour repartir avec tes pizzas. Et bah, la première bonne nouvelle, c'est que tu repars avec 25 euros de pizza chez Pizza Hut. Et voilà, tu vas pouvoir te faire un gros kiff. Maintenant, tu peux décider de doubler ton cadeau, repartir carrément avec 50 euros. Pour ça, il faut se faire la Happy Game. Est-ce que tu tentes ta chance? Oui, pourquoi pas. Eh ben, c'est parti, Morgane. La Happy Game sur Fun Radio. C'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Morgane, tu vas affronter quelqu'un de l'équipe au jeu du chiffre. C'est-à-dire que je vais penser un chiffre dans ma tête et chacun votre tour, vous allez m'en donner un. Le premier qui le trouve, bah, il a gagné. Alors, Morgane, tu veux affronter qui? Il y a Sandro, Alison, Fab ou moi, Audrey? Alison. C'est parti, Alison contre Morgane. Je pense à un chiffre qui est entre 1 et 30. Morgane, c'est toi qui me propose le premier chiffre. 13. C'est plus. 15. C'est plus. 17. Plus. 18. Plus. 19. Plus. 27. Moins. C'est moins. Elle la madame te dit c'est moins. 27. Elle a dit 27 et c'est moins que 27. 24. C'est moins. Allez, Vincent, la gaffe, un 23. Indice. 23. C'est moins. 20. Oui. Ouais. Morgane, félicitations. Tes 50 euros de pizza chez Pizza Hut, et ben, c'est gagné. Merci. Ça te fait plaisir, Morgane? Tu vas aller manger avec qui? Tu vas te faire un kiff toute seule ou tu vas quand même inviter des gens? Non, j'allais avec ma famille, mes parents et tout, donc nickel. Eh ben c'est parfait, vous allez vous éclater. Morgane, tu raccroches pas, on va prendre toutes tes coordonnées pour t'envoyer tes pizzas chez toi, d'accord? Merci. Gros bisous, Morgane. Si vous aussi vous voulez vous choper une pizza party, eh ben vous vous inscrivez, hein. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Peut-être même qu'avant 20h, il y aura encore du cadeau dans cette émission. On vous envoie au concert de David Guetta. Oh, David Guetta qui est en concert à Celt. Un petit conseil, franchement, restez bien à l'écoute de l'Happy Hour, ça peut tomber à tout moment.

sex. Aime le sucre. Nous, c'est l'Happy Hour avec Audrey qu'on aime retrouver tous les soirs. Du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. Fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Des places à vous filer pour aller voir David Guetta en concert. Du côté d'Assel, il y a peut-être même une rencontre carrément avec le plus grand DJ de la planète. Bon, restez bien à l'écoute. Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. Il y aura aussi le coup de pouce qui arrive dans l'émission. Si vous êtes un peu à la recherche d'un taf là en restauration, ben, on a un truc sympa qui va peut-être vous intéresser. On vous explique tout ça juste après le nouveau Sia maintenant sur Fun Radio. And I see another mountain to climb, but I got stamina. falling, I'm the youth. I am the greatest, ay, this is the proof, ay. I work hard, pray hard, pay dues, ay. I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, if the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. C'était le nouveau Sia sur Fun Radio. La suite maintenant du son Dance Floor, c'est avec David Guetta que ça se passe. This one's for you. S'il y a un deuxième David Guetta qui débarque juste après, eh ben préparez votre téléphone, hein. Vous envoyez concert par SMS au 6322. Eh ben vous serez avec nous à Celt et David Guetta en direct, ça va être de la folie. Nabila arrive à faire des dictées sans faute, c'est grâce à eux. Si toi aussi t'as besoin d'aide, branche-toi sur Fun Radio. C'est le coup de pouce. Et en plus de pouvoir gagner vos places là pour aller voir David Guetta du côté d'Acelt avec Fun Radio, eh ben en plus parmi ceux qui ont été présélectionnés pendant toute la semaine, et eh bien peut-être que vous allez gagner carrément une rencontre avec lui. Vous allez pouvoir lui parler, faire des photos, tout avec ça. Bref, le David Guetta. La grande classe. Et ouais, avec The David Guetta. Donc un petit conseil, préparez bien votre téléphone. Vous pouvez déjà taper le SMS, hein, comme ça vous faites partie des premiers. Il faudra envoyer concert par SMS au 6322 si jamais vous entendez deux titres de David Guetta à la suite. Et quand on le rencontre, il y a moyen de toucher ses cheveux. J'ai envie de faire un brushing. Tu peux lui faire une coiffure et tout. Ils sont peut-être gras, ses cheveux, t'imagines. Ah non, casse pas le mythe. Arrête de casser le truc, ouais, c'est ça. Bon, on a avant ça un petit coup de pouce à vous filer là pour tous ceux qui ont besoin d'un taf, surtout en restauration. On a Antonella qui est là, qui vient de la Louvière. Salut Antonella. Salut. Ça va bien? Ça va, merci. Alors Antonella, t'es à l'antenne de Fun Radio parce que t'as un coup de pouce à filer aux auditeurs. T'es à la recherche de quelqu'un pour ton resto, c'est ça? C'est ça, oui. Alors tu peux expliquer aux auditeurs exactement ce que tu recherches? Ben, on cherche un cuisinier qui pourrait seconder le chef qui est là maintenant. Ouais. Et qui pourrait être amené à travailler seul. Et il faut faire voilà. Il faut faire quoi comme genre de cuisine, Antonella? C'est italienne. Ah oui, je me doute, on sait jamais. T'imagines si elle me dit chinois, c'est genre rien à voir. Non, c'est cuisine italienne avec des produits frais. En fait, on travaille en suggestion, donc on n'a pas de carte. D'accord. Et une fois par semaine, on change toutes nos suggestions en fonction des arrivages de produits, quoi. Et c'est pourquoi comme c'est un contrat ou t'as besoin de quelqu'un de temps en temps? Ouais, c'est quoi la Non, j'ai besoin d'un contrat pour le moment 3 mois CDD, ouais. Qui pourrait aboutir à un CDI temps plein, quoi. Ouais, je génial, recherche vraiment ça. Quelqu'un. Vraiment quelqu'un qui. Et les horaires, c'est toute la semaine ou alors c'est un service coupé, c'est 3-4 jours, comment c'est ça se passe? C'est tout le temps, tu travailles même la nuit. Dans la gare. C'est italien, c'est pas chinois, on a non, dit. Non, alors, l'horaire, ça donne quoi, Antonella, pour vous éliminer? Les horaires, encore, on peut voir avec le chef actuel, donc ils peuvent... Ils peuvent s'adapter, quoi. Voilà. Allez, mais c'est cool, ça. Comment il s'appelle, ton resto, Antonella? Ah, c'est aglio e peperoncino. Merci. Je prendrai 2 margaritas, s'il vous plaît. Bon, si ça vous intéresse de l'autre côté de la radio, que vous connaissez quelqu'un qui est en recherche dans ce domaine-là, donc on rappelle, un second qui peut aider le chef en place dans le resto du côté de la Louvière pour un CDD dans un premier temps de 3 mois qui débouchera peut-être sur un CDI si vous êtes bon. Si ça vous intéresse, allez-y, vous envoyez job par SMS au 3044 et puis comme ça on vous prend à l'antenne et on vous met en contact avec Antonella. La suite du son maintenant, c'est avec David Guetta que ça se passe. Peut-être qu'il y aura un autre David Guetta juste après. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est le double fun. À vous de jouer, direction Acel peut-être pour son concert. Bonne chance tout le monde. Rencontrez votre DJ Star Fun Radio David Guetta lors de son concert le 21 octobre au Etias Arena d'Acel. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1 € message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Acelt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. Le son Dance Floor. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui, alors, pour 129 € par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends.

Avant ça, on va tout savoir sur les people. Tout, vous saurez tout sur le zi. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Et ouais, on va tout savoir grâce à Fab qui les suit partout. Ouais, je suis derrière moi. Et du coup, il a les infos people avant tout le monde. Taquet, ouais, effectivement. Alors là, on va. Je sais pas si. Oui, vous aimez bien vous. Vous adorez TPMP. Ah bah oui. Sandro et toi, vous êtes tous. Je suis pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Vous regardez souvent et vous savez que Cyril Hanouna il aime bien. Tu sais quoi, quoique j'aime pas trop la nouvelle version. Moi. Ah merci. J'ai toujours pas regardé. C'est preuve de bon goût, quoi. Moi je kiffais l'émission et je suis. Ouais, bof. Bof. Ouais, je sais pas, il y a trop de gens maintenant. Mais c'était pas bien avant non plus, je trouve. Si, si, c'était cool, mais. Bref, ouais. Soit c'est bien qu'il aime bien étaler la vie privée de ses chroniqueurs à la télé, raconter des petites anecdotes gênantes, un peu comme toi, tiens, d'ailleurs, avec moi. Et là, hier il parlait des moments de gêne que tu peux avoir quand tu fais l'amour. Alors, tout le monde était un peu gêné, sauf Mathieu Delormeau qui lui a raconté. C'est un des chroniqueurs. Il raconte que sa femme de ménage, Rosita. Le cliché, quoi. Je sais pas pourquoi. D'office, quand t'as un prénom comme ça, tu deviens femme de ménage. C'est inscrit dans tes gènes. Carleur, c'est un ou l'autre. Quoi. Et elle a les clés de chez lui, donc elle rentre quand elle veut pour venir faire le ménage. Ouais. Et un jour, elle est rentrée alors que lui était occupé avec un monsieur occupé à lui donner du plaisir. Et quand elle est rentrée dans la chambre, ouh, j'ai joué deux journées, j'ai fait des pots changer le lit, et voilà, et en fait c'est ça doit être super chaud de se faire surprendre quand t'es occupé. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil parce que t'as jamais fait toi, c'est ça? De quoi, t'es con? Mais si, mais jamais, on m'a grillé quoi. En même temps, tu le fais pas n'importe où, c'est un peu déconné. Bah, si, c'est chouette. Bah attends, on va voir si Kelly qui est là avec nous, qui vient d'Anderlecht, elle fait des trucs bizarres devant les gens. Salut Kelly, ça va? Bonjour, bonjour l'équipe. Bienvenue sur Fun, Kelly. Bon Kelly, t'as entendu l'info de Fable avec Mathieu Delormeau, est-ce que toi aussi on t'a déjà grillé en train de faire l'amour quelque part? Ah non. Bah non, bah voilà, pas nous, on est malines, nous, c'est tout. Si voilà. Tu veux, ça peut s'arranger. Je laisse bien, on se cache. Non mais attends, Kelly, c'est quoi l'endroit le plus bizarre, enfin en tout cas le plus, comment dire, le plus public, voilà, où t'as fait l'amour? C'était dans mon salon. À la télé. Dans un ascenseur. Voilà. Oh. Et tu t'es pas fait choper? Ça, j'ai jamais compris. Et mais comment quoi, tu fais? T'as bloqué l'ascenseur? Non, pas du tout. Ah non, mais on va dire c'était tard le soir. Mais t'as pas eu peur? Oh là là, non, moi je ne ferais jamais faire ça. Mais non, tu peux te faire les étages une dizaine de fois, hein, Sandro, si tu veux. Ouais. Mais c'est juste que j'aurais trop peur qu'à un moment donné, un des voisins, il ouvre la porte, quoi. Ce serait super gênant. Moi, je tombe là-dessus, mais je me déshabille, je rentre dans l'ascenseur. Oh non. Bonsoir, c'est Fab. Un gang-bang dans l'ascenseur. Bon, dans l'équipe, est-ce que quelqu'un a déjà été grillé en plein ébat, Sandro? J'ai failli être grillé, c'était dans le début de l'acte. C'était dans la voiture et on était parqués tranquillement, et puis des voitures sont passées et c'était la police. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive souvent, ça. Et ils ont pas. Non, tu as eu le temps de te rhabiller? J'ai eu le temps de me rhabiller, puis on a fait semblant d'être pas dedans. Et genre, voilà. C'est nul. C'est pas nous, on est pas là. Alison, dis standard. Oui, par des potes de mon ex. Oula. Oh. Ah, ça, c'est très bizarre. Ça. Des potes de ton ex qui t'ont grillé en train de faire l'amour avec qui? Avec mon ex. Avec ton ex. Ah, ouais, d'accord. Non, mais ça peut être compliqué avec toi. Donc, je pose des questions. Hein, donc, ils ont dit quoi, les potes? On peut venir? Non, moi, je me suis cachée en dessous des couettes, quoi. Ah, bah oui, en grosse cachette. Hein. C'est bon, bah, tu vois. Ah, bah, mais non, il habite au rez-de-chaussée. Et du coup, ses potes sont venus frapper à la fenêtre. Mais c'est la fenêtre de sa chambre. Ça, c'est pas très malin, ça. Le Fab, il a déjà été grillé aussi? Ouais. Par ma mère. Oh non. Ça c'est la pire chose qui peut t'arriver dans la vie. Ça, c'est pas possible. C'était horrible. Elle a dit quoi? Elle m'a tué. Elle a rien dit sur le moment même. Je suis sûre, ta mère, elle doit être du genre à dire tu referas le lit après. Hein. C'était même pas le lit, c'était dans les toilettes du resto. Apparemment, je traînais à remonter à table, donc ma mère est venue voir ce qui se passait. Mais attends, mais c'est quoi ce mec? Donc toi, alors faut savoir que Fab, dans son ancienne vie, avait un restaurant italien. Et donc toi, pendant que t'es censé bosser, t'as été au chiottes, te taper qui? Deux clientes. Ben, en fait, en même temps comme ça. Mais attends, mais j'ai fait un package full option quoi, deux clientes, plan à trois, comment ça travail excitant, tout ce que tu veux. Oh, et là, non, j'entends toquer à la porte et puis la porte s'ouvre et là je vois la tête de ma mère et j'ai dit, et après j'ai dû arrêter pour des problèmes techniques. Je comprends pourquoi c'était si long entre le plat et le dessert. Tout compris. Mais enfin Fab, en plus deux clientes, mais t'as fait comment avec les deux? Oh, ça je te montrerai. Mais... Attends, je réfléchis techniquement comment on peut faire. Quoi, avec deux? Bah oui. Bah, parce que tu n'as qu'un objet, donc attends, je réfléchis. Oui, mais tu les transperces, hein. J'ai pas dû poser la question, laissez tomber. Je suis désolé, hein, j'enchaîne. Oh mon dieu. Kelly, merci beaucoup d'être passé sur Fun Radio. Et vous, de l'autre côté de la radio, dites-moi si on vous a déjà grillé. 30-44 pour vos messages. Et c'est où ailleurs? Je veux juste vivre. in this ecstasy. Now or never, you see who I am. J'avais juste vite une vie différente de celle que j'ai. I suffocate. I suffocate. I suffocate. Oh, I suffocate. Je marche seul, oui je m'isole. Mais j'ai fait des choix que je ne regrette pas. Parfois je me sens de trop. J'aimerais te rejoindre là-haut. Radio, si vous venez de vous brancher, on est en train de parler des ébats sexuels. En gros, si vous êtes fait griller quelque part, allez-y, hein, 3044 pour vos messages. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Énorme. Il y a Céline par SMS au 3044 qui me dit qu'elle a été grillée sur la table de la cuisine par ses parents. Oh mon dieu, non. La table de cuisine, hein, t'es une petite coquine. Bon, et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé un truc du genre? 3044 pour vos messages, comme ça je vais tous les lire. Ça sera juste après les infos maintenant. Et c'est avec Carlo, bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Le dernier baromètre politique, la Libre RTBF Dedicated, nous a appris notamment que le PTB avait le vent en poupe, surtout en Wallonie, où il est aujourd'hui le troisième parti dans les intentions de vote. En Belgique, comme ailleurs, les partis traditionnels sont à la peine. Mais il y en a un qui est plus à la peine que les autres, hein, et c'est le CDH, le parti centriste qui n'arrête pas de reculer. Même qu'à Bruxelles, on peut parler d'effondrement. Hein, 6,5% d'intention de vote, c'est effectivement pas grand-chose. Même que Catherine Fonck, la chef de groupe du CDH à la Chambre, estime que le temps d'une remise en question est venu. Bon, le président du parti, Benoît Dugène, reste l'homme de la situation, dit-elle, mais on ne peut plus dire que ce sondage ne signifie rien. Catherine Fonck propose donc d'organiser une réflexion collective qui inclurait les sympathisants, je vais dire les quelques sympathisants qui restent. Selon Madame Fonck, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser ensemble, par exemple sur la communication ou le contact avec les citoyens. D'après les syndicats policiers, la police des chemins de fer a été déforcée ces derniers mois, histoire qu'on puisse prêter main forte à d'autres services, et ce, depuis les attentats du mois de mars. Mais, disent les syndicats, c'est logique que si on renforce d'un côté, ben on affaiblit de l'autre. Les scientifiques parleront de vasques communicants, les policiers eux parlent plutôt d'un risque en matière de sécurité, parce que dans ce domaine, les gares et les stations de métro, ben, c'est quand même sensible, hein, mais les syndicats se veulent rassurants tout de même, en ajoutant que la surveillance de ces endroits se faisait dans de bonnes conditions. J'espère que ça suffira à vous rassurer, hein, mais à mon avis, ça ne fera pas changer l'attitude des gens que je connais qui n'osent plus prendre le métro depuis le 22 mars. Un très important sommet européen doit se tenir en fin de semaine à Bratislava, en Slovaquie. Très important parce qu'il doit s'agir de relancer la dynamique européenne après le Brexit, c'est-à-dire tenter de donner un souffle nouveau à cette Europe qui ne fait plus vibrer personne depuis belle lurette. Dans l'optique de ce sommet, les pays du Sud, les plus endettés, se sont réunis en Grèce tout récemment, à l'exception de l'Espagne, histoire de se mettre d'accord sur des sujets qui les rassemblent et sur des idées qu'ils pourraient proposer à Bratislava. Et là, nous avons d'abord et surtout la volonté d'abandonner la rigueur budgétaire, cette fameuse austérité qui ne permet pas de sortir de la crise, bien au contraire. Pour qu'il y ait une croissance possible, il faudrait investir. Mais en Belgique, cette austérité, elle est toujours souhaitée par la NVA, dans le secteur des soins de santé en tout cas. Le président Bart De Wever demande de nouvelles économies dans le cadre de la confection du budget 2017. No way, a répondu, mais en flamand, Maggie De Blocq, la ministre Open VLD des Affaires Sociales. Des économies dans les soins de santé, on en a assez fait comme ça, dit-elle. Fun. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Ah bah alors ça, par exemple, c'est un grand classique de genre on se fait griller quand on est en train de faire l'amour quelque part où on peut pas. Il y a un auditeur qui me dit par SMS au 3044, je me suis fait griller dans le jacuzzi à Aqualibi par le maître-nageur. Oh non. Ah ouais, dans la partie la plus chaude là, le truc un peu à bulle, super méga chaud, un petit coquinou. Entre les petites bulles. Bon, hey, ça vous est déjà arrivé à vous de l'autre côté de la radio, faites pas les timides, hein. 3044 pour vos messages, je vais les lire juste après la météo, Carlo. Des températures toujours caniculaires, demain plus de 30 degrés, si vous aimez ça, profitez-en un maximum parce qu'en principe, c'est le dernier jour, sûrement en 2016. Hein. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à 5h30 et vous laisse en compagnie de Dre et du son de Mo, salut. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Son Dancefloor, bah oui, la Happy Hour, c'est jusqu'à 20h. On est avec vous là, 19h06, on est en direct. Il y a toute l'équipe, Sandro qui est là. Hey, bonjour. Le Fab, présent. Alison du Standard. Coucou. Qui fait semblant d'être occupé. On parlait des trucs où on s'est déjà fait griller en train de faire l'amour dans des endroits où à la base c'était pas prévu pour. Oui, moi, tu connais les termes de Grimbergen? Ah oui, je connais bien. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez, en tout cas, il y a un espèce de quoi, une petite piscine un peu chaude, un peu surélevée. Ça s'appelle un jacuzzi. Hein. Non, y a pas... si ça fait des bulles, ouais. Non, je les ai fait moi-même les bulles. Oh, enfin bref, c'est juste une petite piscine tranquillement, mais en comment dire, en rehaussée, ouais, rehaussée. Et du coup avec à l'abri des regards. Voilà, avec une charmante demoiselle que je ne citerai pas le nom. On a été faire balance, hein, on s'en fout. Hein. Un petit tour avec Gaëlle et puis voilà. Ah, c'est Gaël? Oui, voilà. Et attends, c'est énorme parce que le Sandro, vous savez, il va au terme de Grimbergen, donc tranquillou, et il se tape une fille qu'il a rencontrée le jour même dans les termes, quoi. Ça, c'est quand même. Ah, ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Bravo. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, je continue ma petite histoire. Je sais qu'elle est pas intéressante. Je veux pas le final, je veux pas savoir comment ça s'est passé. Mais il n'y a pas eu de finale parce qu'en fait, du coup, on était occupés et t'as le gars qui vient fermer le truc, qui dit: hé, les gars! Plus que 5 minutes, hein, et puis on ferme. Et t'as pas réussi en 5 minutes? Ah bah non. Mais c'est beaucoup trop long pour toi, 5 minutes. Ouais, mais j'en avais besoin de 5,5, mais voilà. C'est ça, quoi. Et il y a Mélie, dans un autre genre, qui nous dit: bonjour, sur le parking des expos de Charleroi, je me suis déjà fait griller par la police un dimanche matin, le jour du marché. Le jour du marché. Et ça, c'est la toute grande classe, Mélie. On te fait des gros bisous, merci pour ton message. Et en parlant de cul, enfin vite fait, hein, mais Continue, y a, ça bien. Y est, le trailer de 50 nuances plus sombres. C'est 50 nuances plus sombres. Mais oui, c'est le deuxième volet de la série de 50 nuances de Grey. Et ils l'ont appelé comme ça. Ah, oh, c'est le film number two. Oh mon dieu, j'ai regardé le trailer. Allez voir sur ma page Audrey sur Facebook, je l'ai partagé. Mais comment vous dire, quoi? Oh, ça se touche? Ça se touche? Ah, ça se touche, ouais, ça se touche pas mal. Mais je comprends pas votre délire, moi, avec Fifty Shades of Grey. C'est juste parce que le mec est milliardaire, au fait. Non, il est beau. Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que, ouais, dans le premier volet, il est un peu, tu vois, comment dire, violent comme ça. Il est pas cool, c'est vrai. Sauf que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il se fait avoir, tu vois. Comment c'est qu'il croit qu'il gère le truc et tout. Mais la meuf, à la fin, elle en a marre, elle se barre, elle le quitte. Et dans le 2, il essaye de la récupérer. Et ça, nous les filles, ça peut nous faire des choses. Mais elle était pas attachée dans sa cave avec des colsons? Non, il l'a détachée depuis. Ah, il l'a détachée, d'accord. Non, elle s'est barrée. Dans le 2, justement, il essaye de la récupérer. Et en fait, c'est vachement romantique. Il a un cœur, malgré tout. Mais c'est trop mignon, sérieusement. Alors, il y a toujours les scènes de cul, hein, ça faut pas rêver. Dans la douche, ils y vont dans toutes les pièces, hein, ils se font plaisir. Mais alors, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau en mode romantique. À quel moment c'est mignon de se faire fouetter par un mec? À quel moment c'est mignon de ramasser des claques sur les fesses? Parce que, genre, vous faites jamais ça à votre copine. Mais si. Moi, je l'ai fait un jour, elle m'a dit: tu fais quoi? C'est vrai? Pardon. Oui, je te jure. Non, mais c'est ça que moi je comprends pas. Attends, j'imagine juste la tête de Sandro qui a dû se dire: j'y vais pas, je mets une claque ou pas? Non, allez, vas-y, j'y vais, c'est bon! Et l'autre qui lui casse en deux. Je fais comme dans les films. J'étais tellement dans le truc que je fais pas! Et puis Maria, elle fait: tu fais quoi? Bon, bah, il n'y a que quand tu t'appelles Christian Grey que tu peux te permettre de se faire ce genre de choses, c'est tout. Fab, le pire truc que t'as pu faire à une fille, qu'elle a accepté. Il est beaucoup trop tôt pour que je le raconte à l'antenne. À ce point-là, le plus soft. Un truc pas trop crade. Un truc pas trop crade. Bah j'en ai pas fait des trucs pas crades. Non mais attends, parce que c'est bon, je sais que les gens ils font un peu les coincés là, mais à un moment donné on va arrêter, on va se parler franchement sur Fun Radio. On a déjà de temps en temps essayé de se faire un petit plaisir, genre tac, tu vois, un peu d'adrénaline quoi, ouais. Un petit truc qui se passe quoi. Ouais. Genre t'as jamais rien fait de ce genre? Ah si. Tirer les cheveux, donner une claque, je sais pas moi. Ah si, mais ça c'est moi, c'est tous les jours ça, je tire les cheveux, je mets des claques, ça c'est normal. Ah, c'est habituel. Oui, non mais non. Mais ça c'est pas bien de faire ça parce qu'il faut que ce soit quand même quelque chose d'inattendu. Hein. Après il faut que ce soit des vrais cheveux parce que j'ai déjà la blague, j'ai déjà tiré une fille par les cheveux, j'ai eu la moitié de la tête en main. Pardon. Je fais, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et la meuf m'a regardé en me faisant: mes extensions. C'est pas possible, mais il y a qu'à toi que ça arrive des trucs comme ça. Vous de l'autre côté de la radio, c'est quoi le pire truc? Allez, franchement, on arrête de faire genre qu'on n'a jamais rien fait. Quelque chose que vous avez déjà fait avec votre copain, votre copine, d'un peu olé olé quoi. 30-44 pour vos messages. Mais je te vois, tu passes le tour à tout le monde, voilà. Et toi? Ah, moi, le pire truc qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a déjà fait de pire? Attends. C'est aux frontières du réel, avec non. Attends, on m'a mordu mon sein. Pardon? Excusez-moi. Mais pourquoi? C'était vraiment genre

everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Qui arrive maintenant sur Fun Radio avec Alex Germis. Merci d'être là, c'est la P-Hour. On est avec vous jusqu'à 20h avec le son de Pitbull aussi et Florida qui arrive dans quelques minutes. Et on parlait des trucs qu'on a déjà fait, comment dire, dans le lit, n'importe où ailleurs, d'un peu de coquinou. Enfin, genre, on se laisse aller quoi. Parce qu'il y a le trailer de 50 nuances plus sombres qui vient de sortir aujourd'hui, enfin. Mais pourquoi ils ont renommé ça 50 nuances plus sombres? Bah, parce que maintenant c'est plus sombre. Il se passe des trucs dans le film. On dirait le catalogue couleur peinture de chez Brico. Qu'est-ce que ça voit ? Va regarder le trailer sur ma page Audrey sur Facebook, tu vas voir. Oh, ils sont mais sexy à mourir. Il faut te calmer toi déjà. Décroise tes jambes, assieds-toi convenablement là et arrête. Le film il sort qu'en février, en plus ça me paraît tellement loin. Ils ont changé les acteurs ou alors ils ont gardé? Non, c'est les mêmes. T'es fou, faut pas toucher aux acteurs, c'est les meilleurs. Parce que je sais qu'il y avait un scandale par rapport à ça. Non, mais on ne touche pas à Christian Grey, on laisse le même. On ne touche pas, surtout pas au mec quoi, faut pas déconner. Ils font vraiment l'amour dans le film ou pas? Je ne pense pas. Non, il faut pas déconner non plus. Du coup, je vous ai demandé par SMS de me dire le truc où vous êtes permis de vous amuser un peu avec votre copain ou votre copine à repousser les limites quoi. Et on a Xavier qui vient de Bruxelles qui a fait un truc avec sa meuf. Salut Xavier. Allô ? Ouais, ça va Xav ? Oui, ça va très bien, et vous ? Bah écoute, super, tu nous envoyais un petit message là au 3044. Alors comme ça, monsieur fait des folies avec sa copine. Qu'est-ce que t'as fait Xavier ? Coquinou. Ben voilà, l'histoire c'est que voilà, on est avec ma meuf depuis plusieurs mois et on avait envie de varier. Ouais. Et une fois on est passé devant un magasin qui vend des accessoires un sex shop, pour quoi. Faire des folies. Ouais. Ouais, c'est cool. Et je me suis amusé à prendre une laisse. Voilà. Une quoi? Une laisse. Une laisse. Une laisse. Pardon. Autour du cou là. Ah. Oh. Je crois Xavier que t'étais pas dans un sex shop mais t'étais chez Tom & Co. Attends, t'as acheté une laisse. Donc une laisse. On vend ça dans un sex shop. Genre une laisse pour chien, mec. Oui. Oh non. Avec les pipeaux et tout ça là. Pardon, t'as accroché ça à ta meuf? Ah bah oui, c'est mais ça va pas, non, ça c'est vraiment déconné, hein, non, mais là. Xavier, on a ta meuf au téléphone. Oui. Ah, elle a l'air d'être contente, hein. Ah non. Ouais, voilà. Ah non, c'est nul, c'est dégradant, ça. C'est quoi ce truc? Et quoi, tu veux faire un tour du lit ou... Mais non, c'est pas dégradant, parce que c'est un accord commun, et puis voilà, c'est un jeu de séduction, mais il faut un peu varier, tu vois. Et donc, si j'ai bien compris, Xavier, ton kiff, c'est les chiens. Enfin, tu... Mais les chiennes. Je crois... Enfin. Je crois que je l'ai vu, Xavier, un jour promener sa meuf au parc. Ah ouais. Ah là là. Non, mais tu sais que moi,

I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this, I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending, so I'm tryna ride out, slide out, rally stripes, Cindy 500, bye-bye, wild out, shout out, beehive in the honeycomb, hide out, hey, red light, green light, everybody take a shot, red light, green light, give me everything you got. On va enchaîner avec Martin Solveig, tiens. Il y aura quoi d'autre après? On va se faire Soprano et puis Tiesto avec John Legend. C'est ce qui arrive juste après l'horoscope. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on a reçu des petits messages aussi parce qu'on parlait des endroits où on a fait l'amour et où on s'est fait un peu griller, ou alors où on s'est fait plaisir aussi à faire des choses un peu cheloues, parce que le film 50 nuances plus sombres va bientôt sortir au mois de février. Oh. Et il y a le trailer qui est sorti. On me dit quoi par SMS? Moi, je me suis déjà fait griller sur quoi? Sur le sèche-linge au sous-sol de mon entreprise. Et je me suis fait griller par un ouvrier qui allait aux toilettes. Et petit détail, j'étais avec une stagiaire. Excusez-moi. Ça, je suis sûre que c'est le kiff de plein de gens de se taper une fois dans leur vie la stagiaire de l'entreprise. Non. Par exemple, regarde Alison, c'est notre stagiaire. Non, c'est ce que je viens de dire. Vous ne pourriez rien imaginer avec elle. Ah non. Bah, ça dépend de la stagiaire, mais nous, des autres stagiaires, tu vas voir qu'on va imaginer. Mais enfin, Alison, attends, je vous la décris parce que vous la voyez pas là de l'autre côté de la radio, mais c'est une jolie brune avec une petite paire de lunettes, genre secrétaire. Des yeux, quelle couleur? Je vois pas de loin, moi. Vert. Eh ben, hey, le profil, il est plutôt pas mal. Elle est jolie, mais elle parle tout le temps, ça va être impossible à faire avec elle. Bah, tu peux la faire taire, hein, tu sais, il y a des moyens. La boule de geisha. Je t'expliquerai quand tu seras grand comment ça marche, mon petit Fab. Bon, sans aucune transition, on va se replonger en enfance. Alors, trouvez-moi un truc à dire entre les deux, c'est pas possible. Marc Dutroux. Enfin, on va vous dire pourquoi c'était finalement mieux quand on était petit, les béliers. Quand vous étiez petit, les gens trouvaient votre tache de rousseur mignonne. Aujourd'hui, vous êtes juste roux et les gens vous évitent en été. Les taureaux. Petit, vous pouviez vous habiller comme vous vouliez, c'était pas grave. Aujourd'hui, quand on voit votre look, les gens vous donnent des pièces dans la rue. Elle est géniale. Maman, j'ai fait pipi dans mon lit. Prononcer cette phrase quand on est enfant, c'est pas grave. Par contre, maintenant, faudrait peut-être penser à trouver une solution. Les cancers. Quand on est petit et qu'on devient grand, il y a plein de choses qui changent, sauf pour Minumati. Il y a pas grand chose qui a changé. Et les lions. Souvent, vous vous déguisiez quand vous étiez enfant avec les vêtements de maman. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand vous le faites, les gens vous regardent bizarrement. Vierge. Petit, quand il te manque quelques dents dans la bouche, c'est trop mignon parce que la petite souris, eh ben, elle va bientôt venir. Aujourd'hui, si t'as plus de dents dans la bouche, c'est parce que t'es un clodo. Balance. Enfant, vous jouiez souvent au docteur avec votre cousine. Adulte, vous n'avez pas arrêté. Résultat, vos enfants ressemblent à Ribéry. Les scorpions. Quand vous étiez enfant, votre plus grand plaisir, c'était de regarder des dessins animés dans votre pyjama Mickey en mangeant des chocapics. C'était cool. Aujourd'hui, bah, rien n'a changé. On dit merci qui? Merci le chômage. Sagittaire. Enfant, comme maman, venez vous prendre la température. C'était pas sous le bras qu'on mettait le thermomètre. Aujourd'hui, rien n'a changé, sauf la taille du thermomètre, peut-être. Fab, Capricorne. Enfant, on pouvait regarder sous les jupes des filles. Aujourd'hui aussi, mais il faut un bon avocat. Verseau. Vous regrettez la période où vous pouviez sucer votre pouce tranquillement, mais je me fais pas de soucis. Je vois que vous avez trouvé autre chose pour remplacer le pouce. Et on termine avec les poissons. Petit, pour avoir un cadeau, vous étiez super gentil avec papy et mamie aujourd'hui aussi, mais pour avoir un héritage, une maison ou de l'argent. Ah bah, quand il faut, il faut, hein. Allez, on va enchaîner avec le son de Martin Solveig sur Fun Radio. Non, pas du tout. Et si ça vous dit d'aller à Las Vegas, et bah sachez qu'avec Fun Radio et Desperados, c'est possible. Vous allez vivre le festival Zero Gravity. En gros, c'est dans un avion de la NASA qui fait des chutes libres. Ça va reproduire l'effet des astronautes avec un DJ et tout à bord. Bref, on vous explique tout ça. Restez bien là. Ça va être énorme. On se fait ça juste après le son de Martin Solveig sur Fun. Soprano, qu'on vous a fait découvrir ici sur Fun Radio, c'est en feu. C'est toi qui as un feu, hein. Allez hop, on va à Las Vegas. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Ah, franchement, si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, peut-être que vous n'avez pas encore entendu le cadeau de fou. Wouh furieux qu'on vous file sur Fun. Avec Desperados, on vous envoie à Las Vegas pour le Gravity Zero. C'est un festival en fait qui n'a encore jamais été fait. C'est une première mondiale. En gros, vous allez embarquer dans un avion de la NASA. Déjà rien que ça, ça le fait. Et puis en fait, l'avion de la NASA, il fait des petites chutes comme ça. Et ça attention, reproduit. Pas de blague, hein. Mais non, et après il remonte, hein. C'est pas qu'il se crache, hein. T'es con quoi. Et en fait, ça reproduit et fait des astronautes. Donc vous allez sautiller comme ça. Wouh, en apesanteur. Voilà, et puis vous allez devoir essayer de choper les bulles d'alcool qui volent dans l'avion. Ah, ça serait drôle, ça. Tout bon, ça. Et alors, le truc qui est quand même énorme, c'est qu'il y a un DJ qui va mixer dans l'avion, quoi. Alors, je sais pas techniquement comment il va faire, parce que franchement, mixer en apesanteur. Ils vont lui attacher les pieds. Ça va franchement être énorme. C'est à gagner ici, sur Fun Radio et nulle part ailleurs. Je vois déjà le DJ en train de mixer. Il fait hey, ma platine, où tu vas? Où tu vas? Eh ben, c'est un défi, hein. Ça peut être un record aussi, hein. Double emploi, voilà. Si vous voulez essayer de remporter ce cadeau, eh ben, vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez DESP par SMS au 6322. On connaîtra le grand gagnant dans l'émission de Dylan avec Fun Radio Connected. Dylan, ouais, qui est déjà là, justement. Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut faire, Dylan? Il faut repérer un mix, c'est ça? Ouais, Gravity Mix, mais vous pouvez déjà vous inscrire DESP au 6322. Voilà, rencard tous les soirs à partir de 20h dans Fun Radio Connected pour connaître le gagnant. Bonne chance, tout le monde. Et puis là, passez Soprano sur Fun, bougez pas. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. Sors de la piste, je fais une grande écart de bandage. Je sens que je vais briller ce soir. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'as appelé Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi ce soir je suis en feu. En feu ici, c'est Dylan. Dylan qui est déjà dans le studio en train de se préparer pour Fun Radio Connected à partir de 20h. Pour aller jusque là, il y aura du Tiesto avec John Legend, Jennifer Lopez et puis le nouveau Hardwell. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Quoi, t'es pas en feu mon Dylan? Je suis pas beau comme ça. Excusez-moi, mais pourquoi vous mettez des lunettes de soleil dans le pas. Studio? Je sais pas, j'ai trouvé des lunettes, je me suis dit que c'était pas mal. Je suis pas beau gosse comme ça, ça non? Le mec se prend pas bien pour Tom Cruise. Oui, c'est ça. Bah, je vais rester comme ça. Ouais, non, faire l'émission comme ça. Non, vraiment, non. S'il te plaît, pour non, le bien de tout le monde. Ça va, je retire. Tu sais que c'est de la radio et que tout le monde s'en fout en fait. Ah, je ne savais pas le principe voilà. De la radio. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Bon, à partir de 20h, vous allez retrouver Dylan pour Fun Radio Connected, la seule émission qui est ultra connectée partout. Comment on fait si on veut chatter avec toi? Eh ben, super simple. Hashtag Fun Connected sur Twitter, par SMS aussi 3044, c'est 50 centimes par message. Et même si vous les envoyez maintenant, eh ben, je les lis en début d'émission. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est les seuls Belges en direct le soir mais à la radio. Tu m'étonnes, yeah. C'est fini maintenant, ils ont mis tous les Français, voilà. Les autres radios, bande de c'est vendus. Ça, c'est vrai en plus. Vive la Belgique d'une fois. Ouais, faut pas déconner non plus. Donc vraiment, tu lis tous les messages, tous. Tous les messages, sauf les messages un petit peu désobligeants qu'on reçoit. On en reçoit. On en reçoit. Et mais genre, sinon... si je t'envoie des petits messages un peu. Mais c'est ça, mais tu sais que. Ouais. En plus, hier. Tu vas le lire ou pas? Non, mais hier, en plus, j'ai reçu un message et c'est vrai. Très, très, très, très cochon que je pouvais pas lire à l'antenne. Enfin! Mais c'est à ce moment-là. Non, sur moi, quoi. Ah! Enfin, sur moi. Quoi? T'avais droit à des propositions douteuses? Sincèrement, oui. Ah ouais? Ouais, je te dis, je te jure. Enfin, Dylan, en fait, je crois que la meuf savait que je venais de Liège. Elle me dit, en fait, j'habite Herstal. Et viens quand tu veux mais le week-end et tout. Si. Eh, mais t'es sûr que c'est une meuf? Eh ben, j'ai rappelé. Non, je déconne, tu rigoles ou quoi? T'avais pas reconnu mon numéro? Mais attends, Dylan, pour toutes les auditrices qui écoutent Fun Radio, est-ce que... Alors, je pose une question indiscrète, mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui se la posent. Ouais. Est-ce que tu es célibataire ou non? Est-ce que tu as un cœur à prendre, alors, Dylan? Ce qu'il faut déjà dire, c'est aller voir d'abord ma tête, déjà, sur la page Facebook Fun Radio Collective. Bon, après, on verra. Donc, il est célibataire. Mais t'es voilà, pas un gosse, hein. Il n'y a pas que le cœur à prendre, il y a tout le reste. Bon, ben allez voir sur Fun Radio Connected, il y a une photo de toi sur la page. Ouais, il y a une photo de moi. Voilà. Et ben, vous savez quoi? Allez voir la photo et vous nous dites ce que vous en pensez par SMS au 3044. Putain, Dylan, on te retrouve à partir de 20h. On te fait des gros bisous. Nous, on vous dit à demain, les copains, à partir de 17h. C'est mon ex, ça. C'est Jennifer Lopez. Ouais. Classe. Ouais, je réponds plus. Et ben, elle arrive maintenant sur Fun Radio. Welcome. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Together. C'est la fête. Salut, c'est David Guetta. Salut, c'est Maître Gims. Hi, I'm Calvin Harris. Salut, c'est Soprano. Hi, this is Rihanna. Salut, c'est Martin Solveig. Toutes vos stars préférées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée, c'est plus fort Party Fun sur Fun Radio. Here we go. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son dance floor. Elle revient.

tube Fun Radio. Fun. WNW. Hardwell. Et Lil Jon. Tous vos tubes préférés. Comment sur Fun Radio. Le son Dance Floor. WNW.